bon début de soirée dans la métropole Rouen-Normandie, 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, recevra demain matin les syndicats de police qui demandaient à être reçus par le chef de l'État après les violences commises lors des manifestations des Gilets jaunes samedi à Paris. La réunion débutera à 9h, a précisé la place Beauvau. Les 7 syndicats représentatifs de la police avaient indiqué vouloir exposer à Emmanuel Macron la gravité de la situation, selon leurs mots. Ils demandent que la stratégie d'ordre public soit adaptée en cas de nouvelles manifestations des Gilets jaunes à Paris, ont expliqué leurs secrétaires généraux. Et au 17e jour de leur mouvement, les Gilets jaunes poursuivent leur action. Des barrages filtrants sont maintenus dans plusieurs régions. De nombreux péages et échangeurs autoroutiers sont fermés ou bloqués, comme certains dépôts pétroliers. Les entreprises de transport routier, de marchandises et de logistique ont estimé à 400 millions d'euros les pertes d'exploitation qu'elles ont subies depuis le début des manifestations il y a plus de 2 semaines. Débuté vendredi, les blocages de lycéens ont repris dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, jusqu'à 1000 jeunes ont manifesté dans les rues de Dijon contre la réforme du bac et Parcoursup. Des violences ont éclaté en marge du défilé, tout comme à Clermont-Ferrand et Aubervilliers. Au total, une centaine d'établissements sont perturbés à travers l'Hexagone. Le réseau des banques alimentaires a annoncé avoir recueilli près de 11 000 tonnes de produits alimentaires durant le week-end à l'occasion de sa 34e collecte annuelle. Cela représente l'équivalent de 23 millions de repas destinés à être distribués aux plus démunis. La collecte est en légère baisse par rapport à l'an passé où 11 500 tonnes de denrées avaient été recueillies. Premier réseau d'aide alimentaire en France, les 79 banques alimentaires présentes en métropole à la Réunion et aux Antilles s'approvisionnent traditionnellement auprès de partenaires de l'industrie agroalimentaire. Enfin, le Ballon d'Or est décerné chaque année depuis 1956 au meilleur footballeur, mais il aura fallu attendre 62 ans pour voir un Ballon d'Or attribué à une joueuse de football féminin. Cette année, elles sont 15 à pouvoir prétendre recevoir le trophée aujourd'hui à Paris, et parmi elles, 7 joueuses de l'Olympique Lyonnais sont qualifiées pour la grande finale qui va se jouer dans la soirée. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, Silk City avec Electricity. Et maintenant, Sound of Legend avec Roll That Sucker Down. L'After School d'espace.

Bonsoir tout le monde, c'est lundi le 3 décembre et on est reparti pour une nouvelle sélection espace et bonne semaine à tous évidemment. On débute avec à Rouen ce soir dès 19h au Kind Arena, les rendez-vous sports de la métropole et on parlera aujourd'hui de Zumba. À 20h au Théâtre à l'Ouest, une comédie de Titoff et Thaïs, ça s'appelle Amoureux. Vous avez rendez-vous également jusqu'au 6 janvier tous les jours sur la place de la cathédrale et dans la rue des Carmes pour Rouen Givré et aujourd'hui le marché de Noël, le marché des saveurs ou encore la patinoire en plein air, sans oublier la traditionnelle grande roue. Au Zénith de Rouen, ce soir et demain soir, Disney sur glace croit en tes rêves. Il reste quelques billets à se procurer, alors dépêchez-vous, ça part très très vite. Et puis ce jeudi, n'oubliez pas, du côté d'Évreux, c'est la foire Saint-Nicolas avec espace. Du côté de ce week-end, vendredi et samedi, vous avez rendez-vous à Honfleur et dans sa région pour le Téléthon. Le programme complet est à découvrir sur le www.ville-honfleur.com. Et la foire Sainte-Catherine, c'est à Honfleur toujours jusqu'au 16 décembre. Et puis pour finir, ce dimanche 9 décembre, du côté de Surville, le marché de Noël. Passez une très belle soirée avec Espace. Espace Radio. Take a picture of all my flaws, or you can take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling dazed like a magazine, finding my sanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking up the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5's Wednesday. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. 3, 4, 5's Wednesday. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. Comme ça, dans l'after school, en ce début de soirée, c'était Norum avec un narcissiste sur Espace en Normandie, en Picardie. Laissez-moi vos messages comme d'hab, 0950 35 50 50. Maintenant, je vous envoie 7 minutes de son 80 en mode funky mix. Ludo. Ludo. Ludo on the radio. Espace. Espace. Funky mix. Funky mix. You see that black boy over there running scared? His old man in the bottom. He done quit his 9 to 5. He drink full time. Now he's living in a bottom. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom? Don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that jet in a regal suit? Nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone to have problems. The offenders of the Dollar Eagle said, "What you doing, man? Illegal." Now he's in the bottle, and now we watch him every day. He's trying to chase the pigeons away from the bottom. He turned to me, he said to me, "Now, don't you think it's a crime?" Ce 3 décembre, ça s'est amélioré en fin de journée, mais demain ça recommence, hein. On va être un petit peu arrosé apparemment tout au long de la semaine. 18h32, bon retour chez vous, bonne soirée, tout de suite un nouveau point d'actualité locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. À la suite d'un samedi marqué par des violences et des débordements lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment à Paris, le Premier ministre a reçu aujourd'hui les chefs des partis représentés au Parlement avant un collectif de Gilets jaunes demain. Édouard Philippe a promis de nouvelles mesures une fois les consultations de la semaine terminées. Par ailleurs, une partie des 378 personnes placées en garde à vue ont commencé à être présentées à la justice. En Seine-Maritime, une quarantaine de personnes ont été interpellées depuis vendredi et les premiers ont également comparu aujourd'hui à Rouen et Le Havre. Dans la région d'ailleurs, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. En Seine-Maritime, des ronds-points à Dieppe, Neuville-les-Dieppe et Rouménil-Bouteille étaient toujours occupés aujourd'hui par des manifestants, tout comme celui des ronds-points des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray ou de la Motte-Armand. Par ailleurs, l'action devant le dépôt pétrolier Ruby est terminée. Gilets jaunes et cégétistes bloqués depuis ce matin le terminal de Grand-Quevilly qui approvisionne les stations essence de l'Eure, de la Seine-Maritime et de l'Oise. En raison d'achats de précaution d'automobilistes, certaines stations de la région se sont même retrouvées à sec aujourd'hui. Dans l'Eure, on compte encore une douzaine de filtrages aujourd'hui à Gaillon, Carcy ou Gisors, et puis des rassemblements dans une douzaine de villes, comme à Évreux, Val-de-Reuil ou Douin. Les Gilets jaunes de Brionne et Bourterouls ont fait une opération escargot pour se rendre à Bourterouls, de commune où vit Bruno Castel, le député de La République En Marche. Une délégation d'une petite dizaine de Gilets jaunes a été reçue par la députée Marie-Tamarelle Vérague ce matin à Pont-Audemer. Le maire d'Honfleur en a fait de même. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie des portes de Normandie a alerté le préfet de l'Eure sur les conséquences qu'a ce mouvement sur l'activité et l'emploi pour le troisième samedi consécutif. La chute du chiffre d'affaires oscille entre 20 et 80% dans les centres-villes de l'Eure et de l'Orne. Le président de la CCI, Éric Rouet. Les situations sont évidemment contrastées en fonction des points de blocage ou de non-blocage. D'une manière générale, une baisse du chiffre d'affaires significatif des commerces. Je rappelle qu'ils sont dans leur plus gros mois, période de Noël, évidemment. Des situations, voire gravissimes, puisque le Leclerc de KR, si vous voulez, a annoncé qu'il envisageait des suppressions de CDD. Les marges de la distribution ne sont pas des marges élevées, ce sont des métiers de volume. Donc dès que vous perdez du volume, vous perdez tout de suite, vous passez tout de suite dans le rouge, en fait. Moi, en tant que président chef de chambre de commerce, je vous dis, faut siffler la fin de la partie, quoi. On ne peut pas repartir à l'anarchie. Dans l'intérêt, je veux dire, de nos commerces et de nos entreprises. C'est quand même elles qui créent de la valeur et l'emploi pour l'ensemble de nos concitoyens. Les Gilets jaunes ont de nouveau l'intention de manifester samedi prochain. Denis Manéché, âgé de 56 ans, comparé depuis cet après-midi devant la cour d'assises de l'Eure. Il est accusé d'avoir tué sa fille et le garagiste qui avait recueilli cette dernière à Gisors lorsqu'elle avait essayé de se libérer de l'emprise paternelle. Ce procès, c'est l'histoire d'un huis clos familial incestueux. Denis Manéché était en fait en couple avec sa propre fille, mais en 2014, la jeune femme de 33 ans s'était réfugiée chez son employeur avec son fils né de l'inceste. Après avoir abattu les deux victimes, Denis Manéché avait tenté de se suicider. Il en a gardé de lourdes séquelles motrices et il s'exprime désormais à l'audience avec une tablette tactile. Et puis attention, la Normandie est passée en alerte rouge sur l'épidémie de bronchiolite. Ce virus touche environ 30% des enfants de moins de 2 ans. Il provoque des problèmes respiratoires. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après les averses de la matinée, les éclaircies devraient revenir dans l'après-midi. Un thermomètre à 8 degrés au meilleur de la journée sur Formerie, 9 degrés sur le Pays de Bray ou encore Beauvais, 9 degrés également au Neubourg. Et puis l'on passe la barre des 10 degrés à Pont-Audemer, Bernay, Louviers, Évreux, Rouen ou Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 12 degrés, alors où je vous parle, indice de l'air c'est nickel partout, G3, info Atmo Normandie. On attaque cette nouvelle demi-heure avec The Prince Karma et Later Beaches. Can you just do me one favor? Can you? your bitches. After school show. Espace. L'after school. S'il y a plus d'un milliard d'étoiles qui m'attendent dans le ciel, la seule qui m'éblouit, c'est le soleil. Même si tu crois que je ne t'entends pas, malgré les décibels, je n'ai qu'une seule envie, entendre ta voix. Quando veo amanecer, las estrellas desaparecen, pas qui m'aime. Ta lumière me réveille, ta chaleur m'envahit de regrets, pas dis maman. Chaque heure me rappelle les erreurs de mon être infidèle. Quand on veut amanecer, te canto que te amo como si nada. Il y a plus d'un milliard d'étoiles qui m'attendent dans le ciel. La seule qui m'éblouit, c'est le soleil. Même si tu crois que je ne t'entends pas, malgré les décibels, je n'ai qu'une seule envie. Cette semaine, ça y est, c'est parti. On a ouvert le standard du Père Noël 0950 35 50 50. Vous me laissez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, et à n'importe quel moment de la journée je peux vous appeler. Attention, une question très simple: qui t'appelle en mode radio? Vous répondez Ludo entre 17h et 19h. Et bien voilà, c'est cadeau pour vous, et en général de très très beaux cadeaux du Père Noël Espace. Bah carrément, et ça claque en général très fort chez nous en fin d'année. 18h42, ne touchez à rien, dans 3 minutes et juste après la pause on repart avec Angèle et Tout Oublié. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Du samedi 24 novembre au dimanche 9 décembre, rendez-vous sur le pré du Bel Ébat pour la première fête foraine du département. Plus de 110 attractions pour délirer et s'amuser. Les forains vous accueillent tous les jours. Dimanche 9 décembre, une journée de ouf. Un ticket acheté égale un ticket offert sur les manèges participants. Deux semaines, trois week-ends de fête foraine sur le pré du Bel Ébat pour la 859e foire Saint-Nicolas d'Evreux. Gagnez vos places en écoutant le morning de Cédric et l'after school de Ludo. La fête foraine de la Saint-Nicolas d'Evreux avec Espace, la plus normande et picarde des radios.

passer. Cameron tranquille dans la prog d'Espace. Alors toujours et encore dans la catégorie des sons que vous demandez totalement librement pour finir chaque fin d'heure de l'After School. Ah oui, ça a été un énorme slow ça, décennie 80, donc avant 19 ans il a été demandé, donc nous écouterons ça. Everybody's gotta learn sometime. Les Corgis avec Everybody's Got to Learn Sometime sur Espace, 18h54, la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 3 décembre. Ce soir sur TF1, une famille formidable. Est-ce la saison de trop? Je ne sais pas en tout cas. J'ai été très très déçu par la famille Beaumont. Alors les comédiens ont expliqué qu'ils étaient épuisés par les tournages et pourtant je suis fan moi depuis des années de cette série. Et puis là, patatras, c'est le drame. 23h05, des rediffs de New York, unité spéciale. France 2, les Rivières pourpres avec des inédits comme tous les lundis soirs. 22h50, Léa Salamé, elle est là avec son émission culturelle Stupéfiant. Ce soir, on fait une spéciale enfant. France 3, un documentaire, l'aventure continue avec Céline Cousteau. C'est la petite fille du célèbre explorateur Jean-Yves Cousteau. Souvenez-vous, l'homme au bonnet rouge. Canal, la série Maison Hippocrate est en prime et c'est super bien. Ce sera l'occasion de découvrir Louise Bourgoin dans un rôle absolument génial. Arte, Borsalino & Co, là encore, une spéciale Alain Delon avec un grand classique du cinéma français. M6, une soirée spéciale consacrée à Xavier Dupont de Ligonnès. Dans la tête du suspect, on revient sur toute cette affaire macabre. 22h50, toujours sur le même sujet, on va s'intéresser aux zones d'ombre de cette affaire, ça peut être passionnant si vous êtes comme moi captivé par ce genre d'histoire. Le meilleur de la TNT, classique du cinéma, un petit peu chaud patate quand même, hein, Le Dernier Empereur sur France 5, C8, Seul au Monde, on connaît, W9, Iron Man 3, si tu aimes les hommes en vinyle, mais je ne juge pas. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Pas de problème. Dorian, maintenant, juste après 19h, le Flash Info. Et moi, je vous file rencard demain dès 17h. Passez une très belle soirée. Voici les Corgis. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometimes. Everybody's gotta learn sometimes. Everybody's gotta learn sometimes. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie et bonne semaine. C'est lundi 3 décembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Au 17e jour du mouvement des Gilets jaunes, Bruno Le Maire a estimé que les perturbations liées à leurs actions exerçaient un impact sévère et continu sur l'activité économique à l'échelle de tout le territoire, avec des pertes de chiffre d'affaires significatives dans différents secteurs, dont la grande distribution, la restauration ou encore chez certains artisans et commerçants de proximité. Les entreprises de transport routier, de marchandises et de logistique ont estimé à 400 millions d'euros les pertes d'exploitation qu'elles ont subies depuis le début des manifestations. Les blocages des transports et des centres commerciaux par le mouvement des Gilets jaunes pourrait générer plus de 13 milliards d'euros de pertes dans l'agroalimentaire selon une estimation de l'Association nationale des industries alimentaires. Débuté vendredi, les blocages des lycées ont repris dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, jusqu'à 1000 jeunes ont manifesté dans les rues de Dijon contre la réforme du bac et Parcoursup. Des violences ont éclaté en marge du défilé, tout comme à Clermont-Ferrand et à Aubervilliers. Au total, une centaine d'établissements ont été perturbés à travers l'Hexagone. Les établissements de santé récupéreront en décembre l'intégralité des 415 millions d'euros mis en réserve cette année dans le budget de l'assurance maladie, a annoncé Agnès Buzyn. Depuis 2013, des crédits destinés au financement des hôpitaux sont gelés chaque année par le gouvernement, qui peut décider de les annuler ou au contraire de les restituer si les objectifs budgétaires sont respectés. Le réseau des banques alimentaires a annoncé avoir recueilli près de 11 000 tonnes de produits alimentaires durant le week-end à l'occasion de sa 34e collecte annuelle. Cela représente l'équivalent de 23 millions de repas destinés à être distribués aux plus démunis. La collecte est en légère baisse par rapport à l'an passé où 11 500 tonnes de denrées avaient été recueillies. Premier réseau d'aide alimentaire en France, les 79 banques alimentaires présentes en métropole et à La Réunion et aux Antilles s'approvisionnent traditionnellement auprès de partenaires de l'industrie agroalimentaire. Enfin, quatre noms se détachent pour recevoir le Ballon d'Or ce soir. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Luka Modric et Raphaël Varane. Finaliste en Russie, le Croate a déjà été élu meilleur joueur du tournoi puis joueur FIFA de l'année et est le favori. En attendant le verdict qui devrait être annoncé aux alentours de 22h, le classement a débuté et donné au compte-gouttes. Côté français, Karim Benzema se classe 17e, Paul Pogba lui est 15e. Sur la plus normande des radios, Dorian. Nous sommes en décembre et la magie de Noël fait son entrée dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et justement, le premier afterwork du mois de décembre débute avec David Guetta et Bébé Rexha, Say My Name. Bonne soirée. Up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Let me hear you. I got darkness in my head. Don't believe. My bed, yeah. Got too many dudes.

friends are leaving me behind. I didn't wanna catch a feeling, but there was something in their flesh. Right then, all of a sudden. Pour ceux qui n'y ont pas pensé ce matin, on ouvre la troisième case du calendrier de l'Avent aujourd'hui. C'était Jonas Blue Polaroid sur Espace. Il est 19h27. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez Espace. Et laissez nouveaux messages comme d'hab au 0 950 35 50 50. On passe en mode souvenir dans l'afterwork. Voici FR David, c'est Words. Bonne soirée. Beaucoup ce morceau dans l'équipe FR David Words sur Espace en Normandie, en Picardie. Passez une belle soirée. Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai osé le diffuser hier lors des petits brocs à Évreux. Ouais, c'était mon petit plaisir du jour. Et bravo d'ailleurs au comité des fêtes pour la belle organisation. Et puis à Évreux, ce jeudi, à ne pas louper, c'est la Saint-Nicolas avec Espace. Allez, 19h31, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. À la suite d'un samedi marqué par des violences et des débordements lors des manifestations des Gilets jaunes, notamment à Paris, le Premier ministre a reçu aujourd'hui les chefs des partis représentés au Parlement avant un collectif de Gilets jaunes demain. Édouard Philippe a promis de nouvelles mesures une fois les consultations de la semaine terminées. Par ailleurs, une partie des 378 personnes placées en garde à vue ont commencé à être présentées à la justice. En Seine-Maritime, une quarantaine de personnes ont été interpellées depuis vendredi et les premiers ont également comparu aujourd'hui à Rouen et Le Havre. Dans la région d'ailleurs, la mobilisation des gilets jaunes se poursuit. En Seine-Maritime, des ronds-points à Dieppe, Neuville-et-Dieppe et Rouménil-Bouteille étaient toujours occupés aujourd'hui par des manifestants, tout comme celui des ronds-points des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray ou de la Motte, Armand. Par ailleurs, l'action devant le dépôt pétrolier Ruby est terminée. Gilets jaunes et cégétistes bloqués depuis ce matin le terminal de Grand-Quevilly qui approvisionne les stations essence de l'Eure, de la Seine-Maritime et de l'Oise. En raison d'achats de précaution d'automobilistes, certaines stations de la région se sont même retrouvées à sec aujourd'hui. Et puis si la mobilisation s'est largement tarie en Pays de Bray, il reste encore quelques irréductibles, notamment à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux, Alexandre Léno. À roulement, ils investissent quotidiennement un terrain privé, prêté pour l'occasion à quelques pas du rond-point de l'hippodrome de Mauquenchy. Écoutez, Kevin Zevaco, le porte-parole du groupe Braillon. Sur le groupe, on a quand même entre 150 et 200 personnes qui sont complètement actives. On tourne voilà, en fonction des disponibilités de tout le monde. On restera le temps qu'il faudra rester. Nous, on a même prévu de faire venir le sapin de Noël s'il faut. Le petit groupe de manifestants, Braillon n'a pas l'intention de se rendre à Paris. On tire en pote, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé sur Paris. On peut comprendre un peu vraiment la colère des gens. Après, de là, aller vandaliser des commerces, des choses comme ça, où les gens sont concerné par la situation aujourd'hui du pays, je ne cautionne pas. À Paris, justement, le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir ce mardi une délégation de gilets jaunes. Kevin Zevaco espère des réponses concrètes. Malheureusement, aujourd'hui, quand on voit le peu de réactions qu'il y a de leur part, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Après, de là à dire que ça va agir demain, non, je pense que ça va être quelque chose qui va se faire sur le long terme. Après, on espère que le message va vraiment être compris. C'est principalement en ce qui concerne les taxes et puis le pouvoir d'achat aujourd'hui. Après, nous, on est tous d'accord sur le rassemblement à dire que la principale revendication qu'il faudra mettre en place aujourd'hui, c'est redonner de la parole aux citoyens français au niveau des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, réussir à créer aujourd'hui un collectif citoyen. Les gilets jaunes de Mauquenchy ont par ailleurs lancé une pétition qui aurait déjà recueilli plus de 4 000 signatures et qui sera prochainement envoyée à Emmanuel Macron. Dans l'Eure, on compte encore une douzaine de filtrages aujourd'hui à Gaillon, Carcy ou Gisors, et puis des rassemblements dans une douzaine de villes, comme à Évreux, Val-de-Reuil ou Douin. Les gilets jaunes de Brionne et Bourterouldes ont fait une opération escargot pour se rendre à Bourterouldes, commune où vit Bruno Castel, le député de La République En Marche. Une délégation d'une petite dizaine de gilets jaunes a été reçue par la députée Marie-Tamarelle Vérague ce matin à Pont-Audemer. Le maire d'Honfleur en a fait de même. Ce matin avait lieu une manifestation CGT des dockers du port du Havre contre la réforme portuaire. Un automobiliste qui a voulu contourner un feu de palettes et de pneus est resté bloqué dans le feu et s'est brûlé les jambes au deuxième degré. Il est également brûlé au niveau des mains et du visage. Sa voiture a été entièrement détruite par les flammes. Et puis attention, la Normandie est passée en alerte rouge sur l'épidémie de bronchiolite. Ce virus touche environ 30% des enfants de moins de 2 ans. Il provoque des problèmes respiratoires. Et puis à présent, enfin, un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après les averses de la matinée, les éclaircies devraient revenir dans l'après-midi. Un thermomètre à 8 degrés au meilleur de la journée sur Formerie, 9 degrés sur le Pays de Bray ou encore Beauvais, 9 degrés également au Neubourg. Et puis l'on passe la barre des 10 degrés à Pont-Audemer, Bernay, Louviers, Évreux, Rouen ou Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci à toi Eric, une météo toujours maussade demain, alors on se couvre bien pour ne pas choper la crève. 19h35, nouvelle demi-heure ensemble avec Sound of Legend, All That Secardom. Thank you.